petite question. Tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure du sport. Oui. Et que tu trouvais dommage que les garçons et les filles ne puissent pas faire du sport ensemble. Il y a eu des fois, tu as eu des expériences où tu as pu faire du sport avec les garçons. Oui. Ou tu as des idées de sport que tu aimerais faire avec, à l'école ou en dehors avec les garçons, que ça soit mélangé. Bah en fait un peu tous les sports. Enfin je pense qu'il faudrait juste normaliser que le fait qu'on peut faire aussi mixte au lieu de faire des groupes filles, garçons. Et genre ils peuvent juste mettre deux vestiaires à la place et voilà. Puis s'ils n'ont pas un assez grand gymnase, bah qu'ils s'en fassent pas tout. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de la gym où tu trouvais qu'on disait souvent que c'était pas. Oui, il y a une réputation par derrière, c'est que si les garçons en font, bah, deux garçons ils vont se moquer et ils vont dire ah non, pourquoi tu fais ce sport, c'est pour les filles, tu devrais arrêter. Et en général, bah, ça pousse la personne à arrêter. Voilà. Et le foot, tu disais? Le foot en général, c'est pour les garçons. Enfin, les gens qui disent ça, ils disent que c'est pour les garçons, alors que je trouve ça totalement normal qu'une fille en fasse aussi. Et je comprends pas pourquoi on va lui dire après ah, t'es un garçon manqué parce que tu fais du foot ou des choses comme ça, alors qu'il n'y a rien à voir des fois. C'est hors sujet.